parce que vous parlez jamais du sonore. Est-ce que le mot densité va avec le mot sonore ? Une ville, on connaît pas du tout. C'est vrai que, enfin, comme toute ville, ça a changé, quoi. Et pousse pour pouvoir faire passer et faire tourner la roue. Donc tous les 100 mètres sur, on va dire, 3 fois 3 km de canaux qui traversent la ville, tous les 100 mètres tu peux mettre une roue, tous les 100 mètres tu as de l'énergie. Tous les 100 mètres tu peux mettre une scie, un moulin, un battoir, un broyeur, une machine à laver, enfin bon, tout ce que tu veux. L'activité, les maisons, les gens, le bruit, tout suit. Parce que la ville s'est déplacée, s'est écroulée, on a pris les matériaux et c'est devenu un parc avec des arbres, de l'herbe, des petits oiseaux. Tu vois la densité là ? C'est zéro. Zéro d'habitants, zéro d'habitation et zéro de son. Thank you. la dernière fois qu'elles sont venues, elles m'ont parlé de densité. Mais sans trop savoir m'expliquer ce que c'était. Est-ce que tu sais mieux aujourd'hui ? Donc l'histoire est un éternel recommencement, tu vois. On est en train, alors pas pour les mêmes raisons, mais on est en train de redensifier ce qu'on a passé des siècles à espacer.